mon âme exalte en ses noms. Et ma vie te magnifie. Mon âme exalte en ses noms. Mon âme exalte en sa langue. Oh oui. Et ma vie te magnifie. Mon âme exalte en ses noms. Mon âme exalte en sa langue. Oui, mon âme exalte en ses noms. Et ma vie te magnifie. Oh oui, Seigneur. Adorer. Alléluia. Ma forteresse et mon refuge, ma vie est entre tes mains. Ma forteresse, mon refuge. Ma forteresse et mon refuge, ma vie est entre tes mains. Du haut de ton trône, sois béni, sois loué, ô Éternel. Tu es digne d'adoration, digne de louange. D'adoration, et Seigneur. Digne de louange. Car tu es digne d'adoration. Car tu es digne d'adoration. Tu es digne d'adoration et digne de louange. Et digne de louange. Oh, sois élevé et sois magnifié. Que toute ma vie t'adore. Oh, sois élevé et sois magnifié. Ton règne n'a pas de fin. Père éternel, Dieu puissant, tu règnes à jamais. Alléluia, laisse-moi t'adorer, parce que tu es digne d'adoration. Père éternel, Dieu tout puissant, tu règnes à jamais et en tout temps. Père éternel, Dieu tout-puissant, tu règnes à jamais et en tout temps. Oui, je t'adore. Je t'adore, grand roi. Car ton pouvoir t'a été donné. Oui, dans les cieux, sur la terre. Et dans les cieux, comme sur la terre. Vie à jamais. Vie à jamais. Car tu es digne d'adoration. Alléluia. Car tu es digne d'adoration. Digne de louange et digne de gloire. Et sur la terre, règne à jamais. Règne à jamais. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore, oh grand roi. Car tout pouvoir, car tout pouvoir t'a été donné dans les cieux. Oui, dans les cieux. Et sur la terre, sur alléluia. Car tu es digne d'adoration, digne de louange. Et digne jamais, Père. Règne à jamais, Papa. Règne dans nos vies. Règne dans nos cœurs. Que ton règne vienne.